Alors une fois que n'est pas coutume, Thibaut, ma bio au Béphilus actif d'aujourd'hui ne sera pas consacrée à un acteur mais à un chanteur. Et ce, pour faire honneur à notre invité du jour qui est, je vous rappelle, humoriste. Quel rapport me direz-vous? Bon d'accord, on l'a pas dit. Bon mec, ça m'empêche pas d'empêcher de m'insurger. J'en ai... De quoi? De m'insurger, pardon. Putain. Non, parce que j'arrive pas à lire. De m'insurger, voilà. J'ai des rapports avec qui je veux, quand je veux. N'en déplaise à Sophie Marceau. Oui, j'en ai marre, Sophie. C'est maintenant des mois que je fais cette émission dans l'espoir d'attirer ton attention. Des mois que je prends tous les vendredis. Le métro ligne 3 à Villiers jusqu'à Opéra, puis changement pour ligne 7 jusqu'à station Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie qui sont même jamais venus ne serait-ce qu'une seule fois m'accueillir à la descente du train. Mais ça, bien évidemment, Sophie, ça te dit rien. Non, non. Toi, d'une fréquente que la station Alma Marceau. Et encore, uniquement les jours où tu peux faire la zouave devant les caméras. Oh. Alors que moi, depuis des mois, je m'exprime à écrire des chroniques dans lesquelles je glisse subtilement. Si, subtilement. Avec son fleuret, il est là. Des messages codés à ton intention. T'es rendu compte que tous les vendredis, je passe le périph et que je risque ma vie pour toi en venant en banlieue. Ah, ça, quand Léa et Thibaut m'ont proposé de participer à l'émission, ils m'ont bien eu en me parlant d'Ivry sur scène. Il y a même pas de scène. C'est juste un studio. Bon, ça aurait pu être grave, hein, j'ai échappé à la chambre de bonne. Bon, tout ceci pour te dire, Sophie, que j'ai décidé de reprendre ma liberté. Bon, je suis bien conscient que pour toi, ça changera pas grand-chose. Alors que pour moi, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Oui, vous l'aurez deviné. En l'honneur de Jérémy Charbonnel, qui a joué son secrétaire dans Clo-Clo, je vais vous faire aujourd'hui la bio au Bifidus actif de Claude François. Alors d'abord, pourquoi ce nom ridicule de Claude François? Pourquoi pas s'être appelé Marcel Léon ou encore Jean-Paul, ce qui est nettement plus joli? Tout simplement parce que c'est son vrai nom. Claude, Antoine, Marie, François, pour être précis. François, encore un prénom qui va disparaître. On voit mal en effet désormais des parents baptiser un enfant d'un prénom d'une personne dans la personne d'une personne à laquelle 96% des gens ne font plus confiance. Même le pape cherche actuellement à changer de nom. Mais quelle idée aussi de s'appeler François, alors qu'il y avait plein de noms de papes rigolos disponibles comme Télésphore, Éleuther, Zéphirin, Eutychien, Sicinius ou encore Anastase. Alors Claude François est né en Égypte, comme Georges Moustaki, Dalida, Omar Sharif, Demis Roussos ou encore Nagui. Que des gens morts. Alors un conseil, si vous voulez vivre, ne laissez pas en Égypte. Comment ça, Nagui, il est pas mort? Attendez, il m'a toujours pas pris dans son émission sur France Inter. Pour moi, c'est pareil. Donc Claude François est né en Égypte. Mais en 56, à l'arrivée de Nasser, sa famille est ruinée et doit donc quitter l'Égypte pour se réfugier à Monaco. Alors là, il faut qu'on m'explique. En principe, quand on est riche, c'est quand on est riche qu'on s'exile à Monaco, pas quand on est ruiné. Ce n'est pas la seule incohérence de la biographie officielle de Claude François. Comment peut-il affirmer que de lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais, alors qu'il habite Monaco? Monaco. Ouh, la dernière fois qu'il a plu, c'était le 27 mai 58. Non, Léa Thébault, ce n'est pas ma date de naissance. Claude François commence sa carrière musicale comme percussionniste, métier qu'il inspirera plus tard pour écrire « Si j'avais un marteau ». Son premier succès, il l'obtiendra avec une chanson en anglais qui parle de cloche. Belle, belle, belle. Oh, ça tu peux pas comprendre, Thibaut, il faut être bilingue. Il en fera un clip. À l'époque, on disait Scopitone, réalisé par Claude Lelouch. Dans celui-ci, on le voit chanter dans la neige, dans un bois de la région parisienne, au milieu de jeunes filles en petite tenue. Il ne sait pas encore, mais il vient d'inventer le concept des clips de rap. Il ne le saura d'ailleurs jamais, car Claude François est mort. Quoi? Si, impératrice. Ah, c'est pour ça qu'on n'avait plus de nouvelles. Voilà. Il est mort dans sa baignoire, assassiné par Charlotte Corday. Oui, sur le coup, il se marra pas. Hein. Comme vous, d'ailleurs. Je expliquerai à Jérémy après. Pourquoi l'a-t-elle tué? Parce qu'elle ne l'aimait pas, comme il l'avouera lui-même. Je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais quand ils cherchaient à savoir d'où viennent mes joies et pourquoi tes espoirs cachés au fond de moi. Mais avant cela, il a eu le temps de faire une belle carrière. Le coup de maître de Claude François, ce sera l'invention des Claudettes. Les femmes venaient pour voir Claude et leur mari, les Claudettes. Et là, on se dit qu'il a bien fait de s'appeler Claude François plutôt que Marcel Léon, parce que les Marcelettes, ça le fait tout de suite moins rêver. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai une réaction sur hashtag Pentex de Sophie Marceau qui m'écrit enfin. Le téléphone pleure quand tu ne viens pas. Quand je te crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec ta voix à la radio. Trop tard, Sophie, c'est fini. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Allez, à la semaine prochaine et salut les copains. Bravo Jean-Paul. Ça, et d'ailleurs Jean-Paul, oui. Sophie Marceau est là.